Tu peux pas test? C'est moi le boss. Il me faut des sous. Monia monnaie. Regarde, je vais tout présenter dans une vidéo de 30 minutes, tu vas voir. Chier, je fais le tour de France avec mes potos, dans toutes les campagnes de prolo, je paye des jeux auxquels je jouerai pas. Pour la concurrence, c'est le trépas. Paye ou crève, c'est la dure loi de la brocante petit PD. Je te présente ma collection de jeux. T'en reviens pas, tu vas décéder. Brocante game. Brocante, brocante, brocante game. Brocante game. Hey. Brocante, brocante, brocante game. Bi, brocante game. Brocante, brocante, brocante game. Béni, brocante game. Brocante, brocante, brocante game. Je taffe dur au McDo pour pouvoir me payer plein de jeux vidéo. Par ici les billets des éditions collector. Il y en a plein à craquer. Je prononce mal leur nom. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me tester? J'arrive sur le terre-terre. Une brocante à Ivry avec mon gars sûr qui s'appelle GT Gabi. Un putain de collectionneur, lui, oui. Tellement de jeux, si c'était un délit, dis voilà, il serait en zompris. On a croisé Kirby, on lui a chlassé sa race et monté en l'air sa binko. Cette toxico est accro à ma bite, a avalé nos deux chibres en même temps. No homo, on a brûlé les jeux que Kirby avait achetés. Oh oh, trop d'éther, on sort le calache si t'achètes le jeu que j'avais l'intention d'acheter. Je fais le tour de France avec mes potos, dans toutes les campagnes de prolo. Je paye des jeux auxquels je jouerai pas. Pour la concurrence, c'est le trépas. Paye ou crève, c'est la dure loi de la brocante petit PD. Je te présente ma collection de jeux. T'en reviens pas, tu vas décéder. Brocante game. Brocante, brocante, brocante game. Brocante game. Hey. Brocante, brocante, brocante game. Bi, brocante game. Brocante, brocante, brocante game. Et Nice, brocante game. Brocante, brocante, brocante game. Viage.